T'es fou, hein ? Pété ou pas, elle est collector, ma yaourtière. Ce truc-là, c'est... Bon, je sais plus, hein, mais si je le garde, c'est au cas où, quoi. Tu vois ce vieil ordi cassé ? Eh ben, je peux pas le jeter. C'est grâce à lui que j'ai rencontré ta mère. Si vous aussi, vous avez du mal à vous séparer d'un appareil qui ne marche plus, sachez que tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie se recycle en magasin et en déchetterie. C'est simple et utile pour l'environnement. Alors, trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger. La gifle est-elle une action politique? Et si oui, est-elle un mode d'expression démocratique? Le philosophe et directeur de recherche au CNRS, Luc Foineau, est avec nous en studio ce matin pour examiner la portée philosophique de la baffe et sa dimension politique. Emmanuel Macron s'avance décontracté vers une foule qui l'attend derrière des grilles. Il se dirige droit vers un homme en t-shirt kaki qui immédiatement lui assène une gifle. Le président est aussitôt écarté. L'homme interpellé. Puis évacué par le service de sécurité. Faisant suite à l'agression dont a été victime le président de la République, simplement pour indiquer à la représentation nationale, j'en suis sûr tout à fait solidaire, qu'à travers le chef de l'État, c'est tout simplement la démocratie qui est visée. La démocratie, mesdames et messieurs les députés, la démocratie, et vous en êtes l'illustration, c'est le débat, c'est le dialogue, c'est la confrontation d'idées, c'est l'expression de désaccords légitimes, bien entendu. Mais ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique. Bonjour Luc Foineau. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Le 8 juin dernier, Damien Tarel, âgé de 28 ans, a giflé le président de la République Emmanuel Macron lors d'une visite à Tain-l'Hermitage dans la Drôme. Le geste a suscité beaucoup de réactions, il a choqué tant pour sa dimension physique que symbolique. Damien Tarel a été condamné à 18 mois de prison, dans 4 fermes pour l'instant. Il se voit en outre privé des droits civiques pendant 3 ans, interdit d'exercer toute fonction politique à vie, interdit de détenir des armes durant 5 ans. Et vous venez d'entendre Jean Castex qui, commentant ce geste, disait à travers le chef de l'État, c'est la démocratie qui est visée. Alors commençons par le début. Est-ce, peut-on considérer la gifle comme une des modalités de l'action politique? Alors effectivement, c'est une action, c'est indéniable. En giflant le président de la République, Damien Tarel, entre dans l'espace public, celui de la visibilité. Il se fait entendre par un geste, et ce geste, disons, est manifestement un geste politique. Ce qui produit la réaction, disons, des élus, la réaction du Premier ministre, c'est bien évidemment le caractère particulier de cette expression sur la scène publique qui ne passe pas par le débat, le dialogue, mais qui passe par une manifestation violente. Et en tant qu'acte violent, la réaction de l'État face à cette, disons, expression individuelle est également, aussi d'un certain point de vue, dans le cadre légal, une réaction violente. Donc on a ici violence contre violence. Violence physique. Violence physique s'entend, violence physique s'entend, contre une autre violence. L'État, qui a le monopole de la violence légitime, se trouve confronté à une expression violente. Ça n'est pas la seule, ouais. Il y en a d'autres. Et il y a d'autres modalités d'expression et d'action politique hors du cadre constitutionnel, légal, puisque bien dans une démocratie, le Premier ministre évoquait la démocratie, il évoquait aussi l'État, et je pense que la question est de savoir comment, quels sont les rapports de la démocratie et de l'État. Oui. Et lorsque l'on gifle un président de la République, il s'agit de se demander si l'on s'en prend, comme dit le Premier ministre, véritablement à la démocratie ou à l'État. C'est ça. Il s'agit bien du chef de l'État. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut souligner. Il s'agit bien, la gifle est une action politique, c'est une action politique qui n'est pas prévue par la Constitution, à laquelle effectivement il a été répondu par des peines que vous avez rappelées. Et ce qui me paraît important de souligner aussi, c'est le fait qu'il existe d'autres actions, politiques individuelles, extérieures au cadre constitutionnel, mais qui ne sont pas, elles, des actions violentes. Et à quoi pensez-vous ? Je pense ici à disons des manifestations comme les sit-in, les actions disons non violentes qui ont été illustrées par disons Martin Luther King et les mouvements afro-américains des années 60. Donc ce qui veut dire aussi qu'à l'intérieur de notre espace politique, on peut entrer dans l'espace de la visibilité politique sans le faire par des moyens violents, et le recours à des moyens violents a lui-même une signification politique, sans pour autant surinterpréter, le geste de Damien Tarel, dans la mesure où, si j'ai bien compris, c'était un geste spontané, contrairement aux actions de l'Action française au début du siècle dernier, qui étaient longuement préparées, méditées, etc. Il est évident que jeune homme ignorait que le président s'adresserait à lui et le regard lui adresserait un regard sympathique et menteur, entre guillemets. C'est ce qu'il nous a dit, et c'est très très surprenant d'un certain point de vue de réagir à un regard sympathique et menteur par un geste comme celui-ci. Ça dit aussi quelque chose d'une violence qui traverse aussi notre société et de protestation dont le sens est multiple. Mais cette gifle-là, arrêtons-nous encore quand même sur ce geste avant d'en mesurer la portée, l'intention et de déployer toute la réflexion qu'elle peut susciter. C'est une action directe. C'est ce qu'on appelle une action directe. Et elle est la gifle a aussi des déterminismes sociologiques, politiques. Ceux qui giflent généralement émanent d'une certaine partie, de certains partis politiques justement. Les exemples de gifles auxquels on peut penser sont plutôt donnés par des royalistes, par exemple. Tout à fait. Alors ça, c'est effectivement, il y a toute une tradition, une longue histoire, de la gifle dans laquelle je ne reviendrai pas parce que je ne suis pas historien, mais c'est évident que ces actes politiques dont nous avons parlé renvoient à, des tendances politiques elles-mêmes différentes. C'est-à-dire la gifle se caractérise comme un geste particulièrement affectionné à l'extrême droite, alors que on a pu voir parmi d'autres actions qui se sont produites dans les 10 derniers jours, deux enfarinages. Et ces enfarinages s'adressaient à des personnalités politiques de gauche. Jean-Luc Mélenchon, au début d'ailleurs d'une... Jean-Luc Mélenchon a été... Et puis le président Hollande également ont été tous les deux enfarinés. Je ne vais pas, nécessairement développer beaucoup la différence entre ces deux gestes, parce que lorsque j'ai regardé l'enfarinage de Jean-Luc Mélenchon François Hollande, j'ai été frappé en fait par le caractère très inquiétant finalement pour les spécialistes de la sécurité publique, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Donc a posteriori on se dit c'était de la farine, donc ça n'était pas grave, mais en même temps on mesure bien aussi la dimension de violence. Donc en un premier temps, j'aurais dit la gifle, c'est véritablement un acte violent parce qu'il touche le corps de l'autre, et on reviendra sur cette question du corps des représentants, du corps du souverain, du corps du chef de l'État. Il est directement touché, alors que l'enfarinage a une dimension moins violente que comique. Elle vise à ridiculiser celui qui va prendre la parole dans la sphère publique. C'est ça, il y a d'un côté la violence, de l'autre le ridicule. Je rappelle, en 1910, un certain Lucien Lacour, qui était membre de l'Action française, qui va gifler Aristide Briand, qui était alors président du Conseil. Briand, sur le spectre politique, est plutôt un radical socialiste. Il se veut l'incarnation même de la République. Et la gifle administrée par Lucien Lacour, elle est accompagnée de certains mots aussi, comme c'est le cas d'ailleurs de Damien Tarel. Et Lucien Lacour dit « Abba Briand, abba la République, vive le roi !» Et il écope de 3 ans de prison. Alors bien sûr, ensuite il est célébré par beaucoup de monarchistes. Damien Tarel, le sait ou non, en tout cas, il s'inscrit dans un héritage à ce moment-là. C'est pour ça que je parle d'incarnation politique et sociologique de la gifle, qui n'est pas juste un geste anodin, peut-être, qu'il n'est-il pas prémédité, mais il s'inscrit dans une tradition. Tout à fait. En fait, il y a une idéologie derrière le geste de la gifle, et c'est très intéressant parce que même lorsqu'on agit spontanément, et c'est une caractéristique de cette gifle dont on parle, c'est une gifle spontanée. Et je pense qu'il faut insister aussi, ça part de soi, hein, comme l'indique l'étymologie, et cette spontanéité de la gifle, elle traduit, mais elle est elle-même, à mettre en relation avec une idéologie beaucoup plus large. Mais ce caractère spontané me paraît intéressant parce que l'action politique dont on parle, et la gifle est une action politique, l'enfarinage est une action politique, l'entartage dont on n'a pas parlé est aussi une action politique, exprime une volonté d'agir sur la scène au vu et au su de tout le monde. Alors on peut accompagner cet acte de paroles. Les paroles sont en quelque sorte le commentaire, j'allais dire, comme dans un tableau de Magritte, le sous-titre est « Ceci n'est pas une pipe ». Là, en l'occurrence, le sous-titre, c'est un cri de guerre des chevaliers français. Montjoie-Saint-Denis, indique clairement, l'appartenance de ce gifleur à la mouvance monarchiste. Rouge, c'est la couleur du ketchup qui atterrit sur le costume et le visage du candidat lorsqu'il est entré dans la salle du meeting, ce qui l'a contraint à se changer avant le discours. Quant aux auteurs du jet de ketchup, deux jeunes gens, ils ont fini la soirée à la gendarmerie de la ville. Nous sommes devant la mairie de Lamballe. Manuel Valls sort du bâtiment entouré du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. C'est bon. Un jeune homme vient de frapper légèrement Manuel Valls au visage d'un revers de main. Quand il arrive sur scène, François Hollande est décontracté. Après son discours, alors que le candidat socialiste signe la charte aux côtés d'un des responsables de la Fondation Abbé Pierre, une femme fait irruption sur l'estrade, arrive à un mètre de lui et asperge François Hollande de farine. François Bayrou entarté ce matin par quatre jeunes sur le marché de Rennes. Après cet épisode, le candidat est réapparu un peu plus tard, débarbouillé et le sourire aux lèvres, assurant que l'incident n'était pas très grave. C'est plutôt le signe, a-t-il estimé, que la société française ne va pas bien. Luc Foineau, du ketchup lancé sur Lionel Jospin, la gifle reçue par Manuel Valls, à la farine déposée, le mot est mal choisi, lancée au visage de François Hollande et à la tarte, elle aussi lancée sur le visage de François Bayrou. On a aussi toute une panoplie de gestes qui vont venir porter atteinte à l'intégrité physique du représentant politique que la personne a en face d'elle. La question, et vous l'avez déjà commencé à l'esquisser, la question est de savoir quelle différence de degré d'intention il y a entre ces différentes actions dirigées contre des représentants politiques, en quoi il se distingue de la gifle, mais surtout la question, et je voudrais que ce soit celle-ci qui soit vraiment posée, est-ce que ces gestes-là sont antidémocratiques? Castex disait, mais la démocratie, c'est le dialogue, c'est le débat. Est-ce que porter atteinte au corps du représentant politique est antidémocratique ou pas? Alors ici, je pense qu'il faut effectivement revenir sur la distinction entre l'État et la démocratie. L'État, ça n'est pas la démocratie. L'État a préexisté à nos constitutions démocratiques. Et dans le cadre de ces gestes que vous avez rappelés, qui sont quand même très nombreux, donc c'est une modalité d'expression politique courante, qui n'a rien d'exceptionnel, qui est devenue en tout cas courante dans la période que nous traversons, on peut effectivement se demander si c'est le système démocratique et les modalités de la représentation qui sont mises en question. Et ça me semble être la première idée qui nous vient et peut-être la première réponse. Ou si plus profondément, ce qui est attaqué à travers ces gestes, c'est, l'État en tant qu'il organise lui-même la vie politique démocratique. Alors cette différence peut paraître effectivement peut-être subtile, mais je crois que... Mais elle est décisive. Elle est essentielle pour comprendre le sentiment d'impuissance d'un certain nombre de citoyens qui vont réagir de cette manière-là. Impuissance face à la démocratie ou impuissance face à l'État? Alors comment définissez-vous l'État? Alors, c'est compliqué comme question. Hein. C'est compliqué dans la mesure où, effectivement, on pourrait recourir aux définitions classiques, à la définition weberienne. L'État, c'est cette instance qui a le monopole de la violence physique légitime. Mais cette définition paraît insuffisante pour comprendre ce dont il s'agit. L'État, c'est d'abord une modalité, une instance en quelque sorte, constituée par vous et moi, par l'ensemble des citoyens d'une nation ou d'un pays, qui se donne les moyens d'agir et de parler. Et donc, la particularité de l'État et cette définition ou cette description de l'État vaut aussi bien pour l'État de Louis XIV que pour l'État démocratique de la France d'aujourd'hui. Ce qui caractérise cette définition, c'est un problème dans la mesure où on a du mal à se représenter comment une entité collective pourrait agir et parler. Or, l'État est la réponse à cette question-là. Comment faisons-nous pour agir collectivement, coordonner nos actions, parvenir effectivement à énoncer des règles, les lois et les règlements, et faire en sorte que ces règles et ces règlements soient appliqués. La réponse à cette question, c'est l'État. L'État, c'est l'ensemble des instances, des assemblées, des représentants qui rendent cette action et cette parole collective possible. Un exemple assez simple de cette incarnation, et j'utilise à dessein, disons, le terme d'incarnation, l'exemple le plus fort de cette incarnation, cette dimension de l'État agissant, de nous, multitudes, agissant de manière coordonnée, nous est donnée dans la sphère internationale. C'est véritablement au niveau international, dans la relation entre les différentes entités étatiques, que l'on voit l'État parler et agir. Alors, il le fait par l'intermédiaire de nos représentants, mais il agit véritablement lorsque, disons, des représentants se retrouvent au G7 ou au G20. Ce sont les États qui se retrouvent, qui parlent, qui échangent entre eux et qui vont prendre des décisions qui auront des conséquences déterminantes pour l'ensemble de la planète. Donc ici, l'instance étatique est antérieure aux modalités d'organisation politique de ces États. Certains États vont fonctionner de manière autoritaire, on en connaît suffisamment pour qu'il ne soit pas nécessaire de les nommer. D'autres États, dont le nôtre, a la prétention, je dis bien la prétention parce qu'il n'y réussit pas toujours, a la prétention de mettre en œuvre une constitution qui doit nous permettre d'organiser notre vie politique d'une manière à la fois démocratique et libre. Et je voudrais insister ici sur cette dimension de la liberté. Et je pense que les gens qui ont recours à l'enfarinage, à la gifle, etc., sont des gens qui pensent qu'ils sont privés de cette liberté d'action politique. Eh bien, le but de l'État, lorsqu'il s'organise lui-même démocratiquement, c'est de rendre possible l'émergence d'une scène dans laquelle les citoyens et les citoyennes vont pouvoir agir les uns à l'égard des autres comme des êtres libres. Or, nous n'y arrivons pas et nous voyons derrière la scène démocratique, derrière la scène qui devait être celle de l'échange démocratique libre entre citoyens et citoyennes, nous voyons l'ombre de l'État. Et l'ombre de l'État qui nous effraie et qui, en quelque sorte, nous fait douter de la consistance, de la réalité de notre vie démocratique. Mais parce que l'État, en fait, si je vous suis bien, l'État, ça devrait être nous. Absolument. Or là, dans ce qu'on décrit, il y a un fossé qui se creuse. L'État devient quelqu'un d'autre, devient une image, une métaphore ou une institution, quelque chose d'abstrait qui s'éloigne de nous et dont on craint qu'elle ne se retourne contre nous. Absolument. Absolument, et c'est le paradoxe de et cette tension entre la démocratie et l'État, c'est que l'État, d'un certain point de vue, devient autre que nous-mêmes qui l'avons institué, autorisé, et qui le constituons, parce que le c'est sens c'est ça qui est dur à comprendre. Quel lien entre moi et l'État? Je n'en vois pas. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais choisi un État. Vous voyez? C'est, en fait, il y a une distance énorme entre un citoyen et l'État. Oui, d'autant plus que cette distance est renforcée par le fait que cette instance pour agir, et donc là il faut se souvenir de la finalité de l'État, ne pas en faire un grand méchant loup si je puis dire, il faut se souvenir de la finalité de l'État qui est effectivement de permettre une action collective coordonnée. Hein, donc ça c'est la finalité de l'État. agir collectivement à travers l'État. Le problème, c'est que quand nous agissons à titre individuel, et la gifle est une action individuelle, l'enfarinage est une action individuelle, nous coordonnons nous-mêmes notre propre action, ou nous la coordonnons avec quelques autres personnes. Mmh. Et cette dimension première de l'action politique qui est de s'adresser à son voisin ou sa voisine dans une période de crise et lui demander « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» et de commencer à envisager les moyens de l'action, elle est cette dimension première de l'action politique qui passe nécessairement par la coordination avec autrui, ouais. Eh bien, elle est perdue dans l'État. C'est-à-dire que l'État est tellement organisé, et le nom de cette organisation de l'État, c'est l'administration, l'État est tellement organisé, il est tellement puissant, il a une armée et une police pour mettre en œuvre un certain nombre de ses politiques que nous ne nous reconnaissons plus dans l'État. Donc, d'un certain point de vue, au lieu de dire, et votre formule était très bien trouvée, l'État c'est nous, eh bien, nous avons envie de dire, l'État c'est l'autre, l'État c'est un autre, et cet autre se retourne contre nous-mêmes, cet État agit contre nous-mêmes. Hein, c'est l'État va agir en quelque sorte ici contre cette relation que je ne veux pas qualifier trop rapidement de relation sociale parce que le terme société est très connoté, mais je dirais que l'État se retourne ici contre le sentiment premier que nous pouvons avoir que l'action politique, c'est quand nous nous parlons les uns aux autres et que nous envisageons d'agir collectivement ensemble. Est-ce que le mot-clé ne serait pas celui de représentation ? Est-ce que l'État est censé nous représenter ? Et si oui, le problème ne vient-il pas du fait que les personnes qui représentent l'État, que ce soit le président de la République, le Premier ministre ou autre, nous pouvons ne pas les juger dignes d'être nos représentants ? Et c'est là où il faut distinguer l'État comme idée, comme réalité, mais non tangible, et ses représentants. Luc Foineau. Alors, on peut faire cette distinction, elle est légitime, mais pour ma part, en l'occurrence, j'aurais envie de la laisser, de côté. Pourquoi ? Parce que, effectivement, on peut s'interroger sur la manière dont l'État est représenté. Et ce point, si vous voulez, est important, ça nous reconduit à la gifle et au président de la République. L'État ne fonctionne pas comme une machine, on pourrait imaginer un État robot. Ouais. Hein, ça sera peut-être l'avenir, un État robot où l'action collective serait prise en charge par des ordinateurs, des machines qu'on aurait programmées, etc. Cette dimension machinique, et c'est ça qui nous rend l'État difficile à penser, cette dimension machinique de l'État est bien présente. L'État, c'est un ensemble de deux choses coordonnées, qui réagit, qui a des modalités automatiques d'action. Et il y a une partie de l'action de l'État qui échappe totalement à la démocratie, ce qu'on appelle l'État profond. Il y a des parties de l'État qui, d'un certain point de vue, résistent très fortement à rendre des comptes démocratiques. Mmh. Mais la question de la représentation que vous évoquez est effectivement importante, puisque elle vise à résoudre le problème suivant. Comment donner un visage humain à une instance qui relève davantage de l'ordre de la machine ? Et qu'on ne voit jamais, au fond. Et qu'on ne voit jamais, on voit l'État des représentants. L'État n'est pas quelque chose, n'est pas quelqu'un. L'État est une pluralité d'acteurs. L'État est cette capacité à coordonner de l'action qui passe par une multiplicité d'acteurs que l'on ne connaît pas, que l'on rencontre, mais que l'on ne connaît pas tous. Et le grand problème, effectivement, d'une philosophie de l'État, c'est de l'incarner, de lui donner un visage. D'où, dans un régime présidentiel comme le nôtre, l'importance du chef de l'État. Le chef de l'État, à travers son corps, à travers sa parole, à travers son visage, hein, on repense encore au regard sympathique et menteur de la phrase de Damien Tarel, l'État doit être incarné. Il faut donner un visage sympathique à une réalité qui en elle-même n'est ni sympathique ni antipathique. Elle est cette machine que nous avons fabriquée pour produire de la sécurité et garantir en quelque sorte nos frontières, garantir un espace en quelque sorte protégé. C'est la fonction de l'État. Mais ça n'a rien, ça peut avoir avec la démocratie, on peut avoir des États qui exercent leurs fonctions hors d'un cadre démocratique. Alors, l'ambiguïté ici, c'est que la démocratie, c'est la modalité par laquelle nous allons donner un visage à l'État. Et ça, c'est cette modalité propre. Dans une monarchie et dans une dynastie, le visage de l'État, eh bien, il passe du père au fils, de la mère à la fille, selon une procédure qui est une procédure naturelle. Et d'un certain point de vue, les monarchies ont toujours fait ça et l'ont fait assez bien. Et les gens se représentent l'État d'Angleterre à travers la reine d'Angleterre. La démocratie envisage cette procédure de donner visage à l'État par l'intermédiaire, effectivement, de l'élection. Et donc, la difficulté, en l'occurrence, c'est que, effectivement, nous choisissons nos représentants et nos représentantes, mais une fois que ils se trouvent en charge, ils se trouvent en charge de l'État, c'est-à-dire non pas de notre volonté politique, mais de faire fonctionner cette machine. Alors, pour bien comprendre la spécificité d'un État démocratique, restons un instant sur l'exemple que vous donniez, hein, l'exemple royaliste, le roi qui incarne la reine d'Angleterre, par exemple. Si on est en Angleterre, c'est la reine qui incarne l'État. Ça nous permettra de distinguer ces deux corps du roi ou de la reine, à savoir, puisque vous l'avez bien dit, le roi est d'un côté le visage de l'État, mais de l'autre côté, il a son visage propre. Il est le corps métaphorique de l'État et il a aussi son corps avec ses membres, ses douleurs, ses blessures. Prenons un exemple, c'est celui pris par Shakespeare, voici Richard II. Asseyons-nous ici à terre pour tristement nous raconter la fin des rois, certains destitués, d'autres morts à la guerre, d'autres hantés par ceux qu'ils ont destitués, et tous assassinés. Car la couronne creuse qui entoure le front périssable d'un roi contient la mort avec sa cour, et elle y règne, se gaussant du pouvoir, raillant le décorum, accordant une voix à l'espace d'une scène à celui qui est roi, dont les yeux terrorisent, qui éprouve par elle égoïsme et orgueil. Comme si cette chair, rempart de notre vie, était d'acier impénétrable. Avec ce leurre, elle approche à la fin la pointe d'une épingle et troue le mur de son château. Et plus de roi. Vous vous êtes mépris trop longtemps sur mon compte. Je mange comme vous. J'éprouve des désirs. Je souffre. Ainsi contraint, comment pouvez-vous dire alors que je suis roi ? Le désespoir de Richard II, qui se sait bientôt vaincu, qui se laisse aller au désespoir et qui, s'adressant ici aux spectateurs, disant « mais je mange comme vous, j'ai des désirs comme vous, je souffre comme vous », insistant sur le lien qui nous unit à lui, se représentant aussi, c'était à travers la voix du comédien Jean-Luc Boutet, dans la pièce Richard II de Shakespeare, mais aussi dans l'histoire anglaise, hein, il va être destitué par Bolingbroke, qui deviendra le bien connu Henri IV. Cette pièce-là est citée, et il faut que nous le citions dès à présent, Luc Fonneau, pour avancer dans la discussion, par Ernst Kantorowicz, qui est lui l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les deux corps du roi », qui paraît en 1957, qui a connu une postérité extraordinaire, puisqu'on parle encore aujourd'hui de la théorie des deux corps du roi. Beaucoup d'hommes politiques y font référence, beaucoup d'étudiants la citent également, voire parfois la lisent, mais finalement elle est pas tant lue que ça. Et cette théorie des deux corps du roi est décisive pour comprendre ce qui nous occupe aujourd'hui, à savoir le lien entre le citoyen et l'État, et les modalités d'action que nous avons pour résister à cet État quand nous le jugeons, disons, trop oppressant, Luc Fonneau. Oui, alors, donc, ce texte est très important, mais ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est la gifle, l'action dont on parle aujourd'hui, elle révèle en quelque sorte le double corps, en quelque sorte, du président de la République. Ouais. Parce que lorsque vous giflez quelqu'un, vous vous en prenez à son corps physique, et en même temps, vous pensez atteindre par ce geste, son corps. Alors, je ne sais pas comment le. Oui, son j'ai corps dit métaphorique, mais en fait, c'est pas. Mais c'est une bonne expression métaphorique. Son corps métaphorique, son corps politique. Le corps du président de la République est à la fois un corps physique, naturel, et un corps politique et cette distinction entre les deux. Il est les deux choses à la fois. Et lorsque l'action de la gifle s'est produite, il l'était encore davantage que lorsqu'il prend, par exemple, des vacances. Un président en vacances, c'est un président qui, d'un certain point de vue, auquel on accorde... Alors, c'est pas tout à fait juste d'un point de vue constitutionnel ce que je vais dire, mais bon, vous comprendrez le sens de ma remarque. On le laisse en quelque sorte en congé de son corps politique. Il peut être lui-même retrouver sa famille, ses amis, etc., loin des regards. Or, dans la scène que nous analysons, non pas la scène de Shakespeare, mais la scène de la vie politique française, de la gifle, eh bien, Emmanuel Macron est dans l'exercice de ses fonctions, puisque il va à la rencontre des Français, il était dans la Drôme, etc. Et donc il est sous les caméras, il est dans son rôle. Et ici, les deux corps sont unis. Le corps du président, le corps politique du président, le corps constitutionnel, on dirait dans le cadre démocratique, et son corps naturel sont unis. Donc, on peut se demander effectivement quel est le sens de cette gifle. Est-ce que ça n'est pas finalement de rappeler aux souverains, et ici je m'éloigne du cas français, de rappeler aux souverains qu'il est aussi un homme comme les autres et qu'il n'est pas seulement un représentant de l'État. Et dans la scène que nous venons d'entendre, de la pièce Richard II, qui a été une pièce, effectivement, elle est moins célèbre que Richard III, mais c'est une pièce qui a joué un rôle important dans l'histoire politique anglaise. C'est une pièce que la reine Élisabeth Ière, sous le règne de laquelle elle a été représentée la première fois, en 1595, n'aimait pas. Pourquoi ? Parce que cette pièce rappelle au souverain qu'il ou elle, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'Élisabeth Ière, est un homme ou une femme comme les autres. Comme les autres. Et la déploration que nous venons d'entendre, la déploration de Richard II, est une manière pour le souverain lui-même d'indiquer à ses auditeurs, effectivement, cette fragilité qui est la sienne. Il y a un drame, en quelque sorte, ici, psychologique du roi, mais qui est en même temps un drame psychologique dont l'origine est politique. Il souffre, en quelque sorte, d'avoir deux corps. Il souffre qu'on le prenne et qu'on le considère, effectivement, comme le souverain, alors qu'il est manifestement en train de perdre la couronne d'Angleterre. C'est Bolingbroke qui va, effectivement, la lui ravir. Mais il souffre de cette division de lui-même. Il y a une sorte de trouble bipolaire, en quelque sorte, qui est lié à une doctrine assez étrange, qui naît à l'époque Tudor, sous les rois Tudor, Henri VIII, Édouard VI et puis Élisabeth Ière. Donc, quelle est l'idée des juristes anglais ? Pour dire les choses simplement, cette idée, c'est que effectivement, le souverain peut être amené à agir dans les cours de justice de différentes manières. Soit en sa capacité d'individu naturel, parce qu'il a des propriétés, comme tout autre, disons, sujet anglais, soit en tant que souverain et représentant de l'État. Et il y a parfois des contradictions entre ces deux personnes qui conduit à des cas, effectivement, sur lesquels les juges anglais ont dû intervenir. Alors, à l'origine, c'est une question juridique. Mais c'est une question juridique qui va, disons, donner lieu à des théorisations philosophiques. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais la théorie de la personne chez Hobbes est le prolongement de cette théorie des deux corps du roi. Et si on s'en souvient encore aujourd'hui, c'est que cette théorie des deux corps continue à jouer un rôle, y compris dans une démocratie comme la nôtre, puisque le président de la République possède effectivement un corps naturel qui peut recevoir la gifle, et il est dépositaire, il porte en quelque sorte une personnalité qui est une personnalité politique. Et cette personnalité très lourde à porter, c'est la personnalité de l'État. Le pauvre Richard II est en quelque sorte déchiré entre son corps naturel qui souffre, qui désire, qui est malade, qui sent la mort prochaine, et puis son corps de souverain. Et donc la pièce Richard II, c'est un passage. On peut interpréter cette pièce de cette manière-là. C'est d'ailleurs la façon dont le grand historien allemand Ernst Kantorowicz, dans Les deux corps du roi, l'a interprété dans son chapitre 2. On peut l'interpréter, effectivement, cette souffrance du roi, comme la souffrance liée à l'incapacité ou l'impossibilité où est Richard II de faire coïncider ces deux personnes. Alors, à certains moments, il se reprend, il joue le roi, et va essayer de faire plier et demander, il y a des scènes comme ça, il demande à Bolingbroke de faire une génuflexion, qui est un signe aussi physique de la reconnaissance de la supériorité du roi. Et puis à d'autres moments, il n'arrive plus en quelque sorte à maintenir, à porter la couronne. La couronne est très lourde, d'où les passages dans le texte que l'on vient d'entendre sur cette couronne vide. Et puis cette fragilité extrême. Alors, on pourrait dire que la gifle n'a pas connue Richard II, c'est le premier degré dans cette dissociation entre les deux corps du roi. Oui, et d'ailleurs qui est très bien figuré dans la série The Crown, qui met en scène le règne de la reine actuelle en Angleterre, avec cette couronne trop lourde sur ce corps de petite fille, au fond, qui devient reine. Mais est-ce que la question n'est pas de savoir, pour le souverain, dans quelle mesure ce corps biologique doit être investi davantage? Au fond, là, c'est un choix politique de savoir si le président ou le roi, celui qui incarne l'État, va choisir d'avoir un corps comme nous, comme les citoyens, de le mettre en avant, ou bien, au contraire, d'être le plus abstrait, inatteignable possible, ce qui est plus le cas de la reine d'Angleterre, Luc Fesneau. Tout à fait, de la reine d'Angleterre et aussi du président de la République. De ce point de vue-là, la tradition monarchiste française est présente dans un régime présidentiel. Et ici, le point important, votre remarque est très juste, dans certaines démocraties scandinaves, il n'est pas rare de croiser un représentant élu faire ses courses. Cette présence, cette proximité, effectivement, est l'indice aussi, dit quelque chose sur les modalités de la démocratie. Ça n'est pas la tradition française. La tradition française, c'est une tradition républicaine, mais qui a conservé de la monarchie un certain nombre d'attributs. Regardez les lieux, effectivement, où sont les ministères, d'anciens hôtels particuliers, également le cérémoniel, la manière de parler. Et donc, on a des tentatives dans le régime républicain, on a connu des tentatives de rapprochement, mais ces tentatives font toujours sourire. Giscard, les entretiens au coin du feu, etc. Ce sont des tentatives qui, d'un certain point de vue, sont marquées au coin de l'échec. Dans la mesure où nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas à cette proximité du corps du souverain ou du corps du président de la République par rapport au nôtre. Et donc nous sommes restés monarchistes d'un certain point de vue, dans la mesure où nous continuons de penser que face à nous, ce n'est pas Monsieur Emmanuel Macron, mais Monsieur le président de la République. Et donc par conséquent, la tentative de se rapprocher de manière sympathique, de nous serrer la main, de se rapprocher de nous, ça vaut pour le candidat. Mais une fois qu'on est président de la République, nous n'y croyons plus à cette proximité, parce que nous savons que derrière cette personne, avec ses qualités et ses défauts, comme nous en avons tous, il y a l'État. Et donc c'est une réaction à la puissance de l'État que l'on peut lire également dans ces gestes, disons, à l'égard du chef de l'État. Ça ne vaudrait pas effectivement pour les autres représentants. Lorsque, Jean-Luc Mélenchon se fait enfariner, c'est autre chose. On est dans l'ordre des échanges politiques, et c'est une manière, j'allais dire, non pas de s'adresser à l'État, de s'adresser à un parti, à un courant, etc., et de dire quelque chose politiquement. Mais le faire au président de la République, c'est autre chose, ça nous inscrit dans une autre dimension, et ça révèle effectivement, ça veut révéler la fragilité du corps du président de la République, une chose qu'on connaît très bien, les services de sécurité, c'est une obsession permanente, etc. Et donc dans Richard II, on a le drame effectivement que cela peut induire, de sentir en quelque sorte la souveraineté qui s'éloigne, et de voir le corps apparaître au premier plan. Mais ces manifestations du corps politique, des corps politiques, sont présentes également dans notre espace. Ce sont des gens comme nous qui portent des habits, s'expriment. On entendait l'accent de notre Premier ministre. C'est une incarnation de l'État. Hein, l'État qui parle avec un accent du Midi de la France, c'est aussi une manière de dire quelque chose. Hein, et donc le corps est présent. Le corps est toujours présent, où Nicolas Sarkozy, avec ses tics à l'épaule, c'était, disons, derrière une volonté d'incarner la présidence, le corps lui-même qui protestait contre, disons, la violence aussi qu'on se fait subir à soi-même pour exercer un certain nombre de rôles et de fonctions publiques. Une multitude d'hommes devient une seule personne quand ces hommes sont représentés par un seul homme ou une seule personne, de telle sorte que cela se fasse avec le consentement de chaque personne, individu singulier de cette multitude. Car c'est l'unité de celui qui représente, non l'unité du représenté, qui rend une la personne. Et c'est celui qui représente qui assume la personnalité, et il n'en assume qu'une seule. On ne saurait concevoir l'unité dans une multitude sous une autre forme. Et parce que la multitude, par nature, n'est pas une mais multiple, on ne doit pas y voir un seul auteur, mais bien de multiples auteurs, de tout ce que leur représentant dit ou fait en leur nom. Chacun donne à celui qui les représente tous l'autorité qui dépend de lui en particulier, reconnaissant pour sienne toutes les actions accomplies par le représentant au cas où ils lui ont donné une autorité sans restriction. Autrement, quand les auteurs stipulent qu'il ne les représentera que dans un certain domaine et dans une certaine mesure, aucun d'entre eux ne reconnaît pour sien les actes qui sortent des limites du mandat qu'ils lui ont donné. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Qui gifle-t-on quand on gifle un président de la République? C'est la question qu'on pose ce matin sur France Culture, les chemins de la philosophie. Quel type de personne est le souverain? Quel type de personne est l'État? Sont-ils une seule et même personne? Luc Foisneau, vous nous avez expliqué comment, notamment avec la théorie des deux corps du roi de Ernst Kantorowicz, ces distinctions pouvaient être pertinentes. Nous venons d'entendre un texte du Léviathan de Hobbes, chapitre 16, l'incontournable chapitre 16, hein, dont je recommande la lecture, même si vous n'avez pas lu le Léviathan, lisez ce chapitre 16, parce qu'il introduit justement ce concept qui nous est bien utile ce matin, celui de personne, de personnification, qui pointe très précisément le problème qu'il y a derrière la dimension d'incarnation d'un président, au fond, et qui donc permet de reposer à nouveau frais la question de savoir qui est giflé. Quand le président de la République est giflé, est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est nous autres citoyens, puisque nous giflons notre représentant? Ou est-ce que c'est le corps, la joue d'Emmanuel Macron? Ben, je pense que le texte de Hobbes que l'on vient d'entendre est très, très utile pour répondre à la question que vous venez de poser. Il nous dit quoi, ce texte? Il nous dit que l'État, effectivement, c'est nous. L'État, c'est un représentant autorisé par nous. Ce qui veut dire que lorsque l'un des citoyens gifle l'un des représentants de l'État, que ce soit le roi ou le président de la République, en fait, c'est lui-même qu'il gifle. Donc ici, Hobbes veut rendre impossible, en quelque sorte, le geste et les gestes qu'on a vus se multiplier ces temps derniers. Si on comprenait et acceptait, on n'est pas obligé d'accepter la théorie de Hobbes, mais si on comprenait et on acceptait la théorie de Hobbes, d'un certain point de vue, on s'interdirait à soi-même tout geste de cet ordre-là, puisque la politique se réduirait à la représentation. La politique serait le fait exclusivement, sans reste démocratique, de nos représentants. Et nous-mêmes, nous pourrions agir, mais d'agir hors de la sphère politique, agir dans la sphère de l'économie, s'occuper de nos affaires, louer des appartements, etc., vendre des choses, sans jamais intervenir directement dans la sphère politique. Le Léviathan, c'est le manifeste de la politique par représentation. C'est-à-dire, le Léviathan, c'est le texte qui va essayer de nous expliquer qu'il n'est pas possible d'agir directement en politique, que l'action directe en politique est une contradiction dans les termes. C'est d'abord un texte de philosophie. Ouais. Donc son idée est simple. Si vous voulez agir directement en politique, sans passer par vos représentants, eh bien, vous ne comprenez rien à la politique. La difficulté, c'est de savoir si Hobbes a raison ou non. Mmh. Et on peut dire que l'ensemble de nos États modernes tentent à suivre la leçon de Hobbes. Donc Hobbes, d'un certain point de vue, dans la période moderne, a eu raison. Mais cette conception de la politique, qui passe intégralement par la représentation, les moyens que l'État met au service de cette action collective représentative, n'est pas le tout de la politique. Et que, par exemple, dans l'Antiquité, l'État n'existait pas, et pour autant, il existait un espace d'action entre certains citoyens, reposant sur la parole et l'échange libre. Et cette dimension d'action directe, présente dans la politique antique, par exemple, c'est ce que Hobbes récuse. Quand il attaque les Romains, quand il critique la pensée grecque et romaine, c'est à cette possibilité de la politique qu'il s'en prend. Et il veut la rendre non pensable. C'est-à-dire, il veut rendre la gifle de Damien Tarel une contradiction dans les termes, contradiction logique. Il faut préciser quand même le contexte dans lequel s'écrit le Léviathan. Parce que c'est pas le contexte d'une gifle, c'est le contexte d'une guerre civile en Angleterre, dont Hobbes a beaucoup souffert comme tous les citoyens anglais. Et le Léviathan est aussi une sorte de proposition de solution pour enfin obtenir la paix au prix d'un État très très fort qu'aujourd'hui on qualifierait volontiers de, alors je sais pas si on dirait totalitaire ou tyrannique, mais en tout cas de quelque chose de plus fort, de trop fort par rapport aux exigences démocratiques qui sont les nôtres. Ouais. Tout à fait. Donc c'est vrai que ce contexte, on le connaît, celui d'une guerre civile, mais ce qui est frappant chez Hobbes, c'est qu'il voit les prémices de la guerre civile, c'est quelqu'un d'inquiet, Hobbes. Hein. Il voit les prémices de la guerre civile dans une parole, dans une thèse, dans une croyance et dans une gifle. Donc, vous dites entre la gifle et la guerre civile, Hobbes verrait immédiatement un lien entre les deux. Peut-être, et au service effectivement de la thèse selon laquelle il n'est pas possible de vivre ensemble et d'agir ensemble si ce n'est au moyen d'un État dont la puissance, il faut le dire par parenthèse, à l'époque de Hobbes, n'était pas très grande. Ouais. L'État, que Hobbes a connu au XVIIe siècle, comparé à la puissance de l'État français, à la puissance de l'État américain, est ridicule. Et c'est d'ailleurs parce que cet État était fragile que la guerre civile s'est déclenchée ou a eu lieu. Donc ici, le point qui me paraît important de souligner, c'est que Hobbes nous propose une nouvelle manière de penser les relations politiques entre nous. Nous ne pouvons plus agir politiquement directement, mais nous devons passer par cette machine. Ce qui pose un certain nombre de problèmes. Ah bah oui, tout simplement le problème de la résistance, puisque l'acte de gifler le président est sans doute un acte de résistance. Comment résiste-t-on à un État qui ne nous laisse pas la possibilité de nous opposer à lui ? Tout à fait. Alors l'État répond, comme l'a fait le Premier ministre, nous vous laissons la possibilité de vous exprimer librement. Vous avez toute possibilité aujourd'hui de vous exprimer. Il y a la liberté d'expression. Vous avez la liberté de manifester. Bon, François Sureau a dit un certain nombre de choses assez justes sur les restrictions qu'a connues récemment la législation sur le droit de manifester. Mais la réponse de l'État est de dire, vous avez d'autres manières de vous exprimer. Les gens qui interviennent de cette façon-là considèrent qu'ils n'ont pas cette liberté intégrale. Et la question ici qui se pose, c'est de savoir à quel moment il est légitime de recourir ou non aux modalités de l'action, disons, sous les formes de la résistance. Ouais. En fait, c'est ça la question qui se pose. Mais dans un État démocratique, effectivement, constitutionnel, l'expression politique doit passer exclusivement par les moyens qui nous sont donnés. Si certaines personnes recourent à d'autres moyens, ils doivent être capables de justifier leur recours. Et il s'agit de comprendre et ce qu'il en est véritablement du rapport aujourd'hui entre l'État et notre démocratie. C'est évident que c'est un symptôme de quelque chose qui ne va pas dans cette démocratie ou qui ne va pas dans le rapport entre l'État et la démocratie. Donc Hobbes est un auteur de ce point de vue-là intéressant parce que c'est un auteur radical. Ouais. Il pousse jusqu'à son terme le plus extrême la logique de la représentation, Hein, c'est ce que j'appellerais une logique de la représentation sans reste démocratique. Et il ne laisse à la résistance qu'une place extrêmement limitée, qui est de dire, si l'on vient vous arrêter chez vous, ou si l'on veut vous condamner à mort, dans la mesure où l'État a pour fonction de préserver votre vie, vous avez le droit naturel de résister. Mais cette compréhension de la résistance purement individuelle ne fait absolument pas, disons, sa place au fait que la résistance ou les modalités de la résistance ont toujours été des modalités collectives. Hein, lorsque on parle avec des anciens résistants, on parlait avec d'anciens résistants, leur désarroi en juin 40 et leur réaction, c'était de parler à leurs voisins. Donc il n'y a pas d'action politique simplement individuelle, et Hobbes voudrait nous faire croire que la seule modalité de la résistance, c'est pour sauver sa peau. Et donc ici, il perd en quelque sorte la dimension politique forte de ce qu'ont pu être différents mouvements de résistance. Et Hobbes lui-même, mais c'est à dessein, c'est-à-dire il considère que on ne peut pas avoir un État représentatif, et en même temps ménager une place forte pour une résistance politique qui, de fait, prend la forme de l'expression première, l'expression première de la vie démocratique, c'est-à-dire ça ne passe pas entre vous et moi, il n'y a pas l'État, entre vous et moi, la politique commence par la discussion, le débat, sans médiation et en se posant la question, que peut-on faire ? Et c'est ça, si vous voulez, que Hobbes a bien compris et qu'il veut en même temps, disons, interdire. On pourrait, disons, penser aux travaux d'Anna Arendt ici sur la liberté. Le texte magnifique d'Anna Arendt sur la liberté dans La crise de la culture explique très fortement, effectivement, cette dimension première de l'action politique, mais une action politique qui ne passe pas par l'État, qui n'est pas contre l'État, simplement qui ignore l'État et qui repose sur la capacité des individus à prendre l'initiative pour mettre en œuvre une action et à se coordonner les uns les autres. Hobbes nous dit, vous avez l'État maintenant, rentrez chez vous, nous nous occupons de tout. Et le succès de cette idée d'État est bien évidemment lié au fait que on l'a pris au pied de la lettre, ou plus exactement la réalité elle-même a suivi le cours qu'il suivait, lui se contentait d'en décrire la logique implacable de l'État qui agit en notre lieu et place, qui parle pour nous et qui agit pour nous. Après Hobbes, Anna Arendt, donc, vous venez de donner les prémices d'une autre émission qui commencerait avec Anna Arendt. Ce sera pour la rentrée, hein, parce qu'on en arrive à la fin de la grille et à la fin de l'émission. Merci infiniment, Luc Foineau. Merci à vous. D'être venu nous parler de la gifle, de Hobbes et de l'État ce matin. Je renvoie à votre ouvrage qui s'appelle Hobbes, La vie inquiète, vous avez prononcé le terme, qu'on trouve en folio. Hein, maintenant, il est disponible. Vous avez écrit d'autres ouvrages qui seront en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. I know it's strange, but my brain's gone really insane. And I'm off the chain, sipping on a fifth for the golden grain. I feel like slapping a nigga today. Slapping a nigga today. I feel like slapping a nigga today. On the wrong side of the bed, I'm sick of people putting lies in my head. I don't really want to work, I'm tired, I hate my 9 to 5, and I'm thinking about killing my boss today. Killing my boss today. I'm thinking about killing my boss today. It's just a thought, man. Killing my boss today. Yesterday my best friend died. Somebody came and took his life. Now I'm looking up at the sky. Have you ever seen a grown man cry? And I'm asking, why did you take him away? I'm asking, why did you take him away? Why'd you take him? Sur France Culture, les chemins de la philosophie, on se quitte avec Ludacris Slap dans une autre problématique liée à l'État américain cette fois-ci. Il est temps de retrouver la question philo du jour d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Je me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Alors aujourd'hui, vélo, forêt de châtaignier, pause, vous en êtes où ? Demain, vélo, aujourd'hui, repos. Bon, repos avec une question du jour, la voici. Qu'est-ce qui nous fait rire ? Eh bien, je croyais encore naïvement, comme toute ma génération, que le film « Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion ?» était la chose la plus drôle qu'on ait jamais tournée. Je revois l'armoire grinçante qui servait de meuble télé chez mes cousins avec le film qui nous attendait là, hilar, dans sa VHS impatiente. On commençait même à rire avant le générique, dès que le magnétoscope, qui riait déjà à gorge déployée, avait ingéré tous ses gags. Alors, j'ai naturellement voulu montrer le film à mes enfants, qui sont restés silencieux et concentrés. À la 10e minute, enfin, Emma a commencé à me poser la question qu'elle me poserait rituellement jusqu'à la fin du film. C'est quand que ce sera drôle, papa ? L'équipe de France ne s'est pas sentie plus bête après sa célébration l'autre jour d'un but magnifique finalement annulé pour hors-jeu. Et moi, je ne me suis pas senti plus misérablement vieux depuis longtemps. Échec pour échec. Je suis remonté d'ailleurs jusqu'en 1947, l'année du concerto pour chat, le chef-d'œuvre de la série d'animation Tom et Jerry. Mais c'est Max, le plus jeune, qui devait cette fois se montrer décourageant. Papa, la souris, elle est méchante. Le pauvre, il était consterné, vraiment, par ce monstrueux étalage de cruauté. Et donc, vous en tirez la conclusion suivante, le rire ne serait pas universel. Ben oui, car même dans... on peut même pas en faire une question culturelle, puisque même au sein d'une famille, le rire n'est pas un trésor partagé. Et si la vidéo la plus drôle que je connaisse, inévitablement, quand je la vois, je pleure de rire, arrache un sourire à Jean, mon aînée, c'est par la façon dont elle arrive à m'anéantir complètement, à m'arracher toute ma chair et à me transformer en squelette animé d'un simple mouvement nerveux. Voilà, je crois qu'on veut tous savoir de quelle vidéo vous parlez. Eh ben, l'essence même du rire, au sens de Bergson, voilà cette vidéo, la transformation de quelqu'un en marionnette, avec, aux commandes, c'est tout le génie de ce gag de simple bulle d'eau gazeuse. Alors c'est un adolescent qui décide par défi de boire une sorte de Perrier cul sec. Tout se passe bien, quand soudain, venu des profondeurs du Logos, il lui échappe une phrase presque christique, « My God, what I have done, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» À ce cri de désespoir succède immédiatement un rot monstrueux, un rot qui ne serait pas celui de cet adolescent possédé, mais celui de l'univers entier, venu se fracturer ici. Alors poussé par l'incroyable recul du phénomène, le malheureux vient enfin heurter la porte d'un garage, laissée si génialement entrouverte pour qu'il vienne s'y cogner la tête, qu'on pourrait en conclure que toute la scène est jouée. Mais il est trop tard quand on se le dit. Personnellement, je suis déjà emporté par un fou rire irrésistible, et je me souviens alors de la théorie de Baudelaire qui assimilait le rire à l'élément démoniaque de l'âme humaine. Il s'agit bien d'un phénomène de possession par cet élément matériel qui guette en dessous de notre âme le moindre point faible par où il pourrait s'exfiltrer. Et si cette vidéo est si drôle, c'est qu'elle a quelque chose d'allégorique. Notre malheureuse victime, secouée par le vide presque métaphysique des bulles de son Perrier, est identique à nous, qui sommes secoués par le néant du rire, le néant du monde de la matière. Et donc, ce qui nous fait rire serait presque de l'ordre d'une danse avec la mort ? Probablement, oui. Le rire, en tout cas, serait le langage de la matière qui ne trouverait vraiment à passer la membrane de la vie qui lui est intrinsèquement hostile, qu'en rusant à travers notre corps. C'est un langage dont on ne sait à peu près rien, sinon ce qu'on peut en déchiffrer dans les danses macabres, un langage qui cherche à sortir de la prison de l'inexpressif en jouant comme d'un piano. Et c'est pour cela que le concerto pour chat est un grand film comique, en jouant comme d'un piano avec notre squelette en tant que labyrinthe, avec tout au bout la porte de sortie éteinte. Étincelante et réifiée de nos dents. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, on va se jeter sur les films dont vous parlez et la vidéo bien sûr, et votre chronique à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Luc Barbier avec Clémentine Marais, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions sur la gifle. À la prise de son aujourd'hui, c'était Élise Leu. À la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de la gifle, donc philosophie de la gifle. Demain, on sera au cinéma. Ce sera la philosophe Hélène Frappa qui viendra se demander si le cinéma ne serait pas aussi un art de la baffe. On parlera de la gifle de Pinotto, bien sûr, mais aussi À nos amours de Piala, L'Exorciste et encore quelques films. Je ne vous révèle pas tout. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur l'état Hobbes et la gifle, donc en compagnie de Luc Foineau, en vous rendant sur le site des Chemins de la Philosophie ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission où vous voulez et quand vous voulez, c'est la magie du podcast. On vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On est toujours ravis de répondre à vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.